to Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, les Inarita Black Sabbath avec ce live Evil, le live de 82, enregistré en compagnie du nain hurleur, du lutin à la voix enchantée, Ronnie James Dio. Bien entendu, The Mob Rules, que ça fait du bien d'entendre ce classique. On continue dans Overdrive, on va avoir de l'excellente musique ce soir, notamment le dernier album du groupe Striper, donc le groupe de Michael Sweet nous revient avec encore un nouvel album sorti sur le label Frontiers Records. Donc Michael Sweet multiplie les différents projets sur le label italien, avec notamment Sweet and Lynch, enregistré en compagnie du guitariste de Hawken, bien sûr, George Lynch. Et là, ce sera donc son groupe principal, le groupe de white metal, comme on le disait dans les années 80, qu'on va écouter tout de suite, When We Were Kings, avec le morceau Unforgivable. Tout de suite, restez bien derrière votre tuner, dans votre rocking chair. C'est parti pour Overdrive. We'll be right back. Yes, Stripe tout de suite avec The Unforgivable, extrait de cet album When We Were Kings, sorti sur le label Frontiers Music. On va rester dans du heavy metal traditionnel avec Satan, maintenant l'opposé peut-être de Stripe et de son white metal Satan, qui sort cet album sur Metal Blade. Ce sera le morceau Ere the Day Will Come pour ce groupe qui n'a peut-être pas eu le succès qu'il méritait, mais qui a maintenant, depuis une petite dizaine d'années, un certain succès d'estime pour tous les fervents amateurs de heavy metal traditionnel. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Satan tout de suite et on va changer radicalement de style, beaucoup plus alternatif, 90s dans l'esprit avec Sway, le dernier album de Head Charger. Ça passe sur At Home Records et bah, c'est assez sympa, direct et bien entendu parfaitement dans ce qui se fait et dans la carrière du groupe. Skip the Ground tout de suite, extrait de cet album Sway par Head Charger. Makes me feel so good inside, so peaceful, so sublime. And why do you give me, why do you give me, makes me so proud. Can't make d'entendre ce trois titres par le groupe Run, ça s'appelle Lone Survivors, ça vient de voir le jour sur MNO Music, très bon son, assez moderne bien entendu, on est ici sur les plates-bandes du Djent. Lone Survivors, c'était le morceau B2B, maintenant pour ce groupe dont on attend avec impatience la suite. Donc pas mal de musique différente bien entendu, on passe du heavy metal traditionnel avec des anciennes légendes comme des groupes bien sûr novateurs qui n'hésitent pas à prendre le train en marche. Maintenant on va passer au groupe Killing Spree initié par Matthew Metzer de Clone, et on est sur un métal, alors un métal un petit peu, on va dire, un novateur expérimental, appelez ça comme vous voulez, puisqu'on a du saxophone et on a l'alliance entre le côté, on va dire, martial du métal et un côté un peu plus improvisé, un côté un peu plus tout simplement libre et qui vient en grande partie du jazz. On s'en va ça tout de suite, extrait de cet album Camouflage par Killing Spree, ça vient de voir le jour sur la Clonosphère. We'll be right back. Yes, voilà pour le groupe Killing Spree, tout de suite avec ses morceaux titres Camouflage. Ça vient de voir le jour sur la Clonosphère. Voilà, bien entendu, un trip assez expérimental qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais qui ravira les personnes qui ont besoin de faire progresser un petit peu la musique métal. Maintenant, dans Overdrive, il est temps de passer aux interviews du Moto Culture 2024, pour laquelle l'équipe de la Ferrarock s'est rendue et a interviewé pas moins d'une vingtaine d'artistes différents, des plus petits aux plus grands, avec bien entendu toute une équipe de joyeux drill qui s'est donnée à cœur joie de faire parler dans le micro tous ces artistes. On va commencer avec Sorcerer, non pas le groupe suédois d'Epic Doom, mais un combo parisien qui nous fait du hardcore avec pas mal d'influences différentes et qui a eu l'honneur de jouer sur l'une des deux main stage cet été en faisant un sacré vacarme. Je vous laisse en leur compagnie avec une interview croisée avec PFM. Ok, donc nous sommes du côté du Motocultor. Vous venez de voir le groupe Sorcerer sur la scène principale, la main stage, pour un concert à 15h. Comment ça s'est passé, les gars, sur scène? Salut. C'était mortel. Ouais. Grosse ambiance, gros public. Ouais. Et non, hyper confort, bon accueil, donc on est super contents. Alors, vous n'en êtes pas vraiment à votre coup d'essai, puisque vous venez d'enchaîner une série de différents fests tout cet été. On pense bien sûr au Motocultor, mais également au Hellfest et à l'Extreme Fest. Donc, comment ça s'est passé? Eh ben, effectivement, le fait de jouer au Hellfest et sur une scène vraiment plus grosse que ce dont on a l'habitude normalement, ça nous a permis d'arriver ici un peu plus détendu. Préparé, ouais, plus détendu, je pense. Ouais. Bon, enfin, on n'était pas particulièrement tendu lors du Hellfest, ouais. mais c'était hyper cool. Enfin, ouais. Pour nous, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On a plutôt l'habitude des clubs de quelques centaines de personnes, tout au plus. Mais voilà, on était hyper heureux de voir que le groupe pouvait aussi assurer des choses. Je me souviens tout aussi bien en fait sur une config complètement différente. Ouais. Et justement, est-ce que vous pensez avoir gagné en expérience suite à cette série de concerts de cet été? Ah bah forcément. Ah ouais. Hein. Enfin, ouais, normalement. On essaie de se mettre dans un état d'esprit de produire un show. Enfin, en tout cas, d'occuper un espace qui est énorme. Donc c'est quand même un exercice. Qui est assez conséquent et on a bien conscience qu'on n'est pas devant le public habituel, qui est le public hardcore, qui est un public qui est plus de niche, digger, etc. Donc là il y a un public qui est plus généraliste et du coup ça fait aussi partie de notre travail de, quand je parle de show, c'est vraiment d'embarquer tout le monde. Donc nous en tant que musiciens et que groupe, ben c'est un super challenge de d'essayer d'embarquer tout ce monde-là, quoi. Justement, à l'écoute de votre musique, on sent que vous venez du hardcore, comme tu l'as dit, mais que vous avez quand même une certaine palette d'influences différentes, puisqu'il y a quand même pas mal de choses, notamment des parties lead de guitare, ce qui est quand même peu courant dans ce domaine-là. Donc, quelles sont un petit peu vos différentes influences à chacun? Bah en fait, on a commencé Sorcerer en se disant qu'on voulait justement pas faire un groupe worship, donc c'est-à-dire pas ressembler à un groupe qui est déjà vachement en place, que tout le monde a validé, je sais pas, j'ai cité un Chromax ou des groupes cultes du genre. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir notre propre identité, donc c'est pas un truc évident à faire, donc tu testes des choses sans t'interdire justement d'aller à droite ou à gauche, de te dire ah non, ça va te sonner trop métal, ça va sonner peut-être trop black, trop post ou je sais pas quoi. Nous, c'était vraiment voilà, il faut que ça sonne Sorcerer. Donc pour que ça ne sorte pas, il faut faire des morceaux et à la fin en fait ouais, on a vraiment compilé avec les influx de chacun sans forcément se dire on va sonner, c'était pas calculé, comme ce groupe là, comme cet album là. Donc oui, forcément on a écouté et digéré des dizaines, des centaines d'albums de hardcore, de black, de death et de tous les styles possibles, tout, voilà tout, n'importe mais quoi. Mais à la fin voilà, c'est le but, c'est que ça sonne Sorcerer et pas ah putain trop bien, ça sonne Kickback, ça sonne je sais pas quoi, Black Dahlia Murder, j'en sais rien, enfin Alors il y a des noms de groupes qui reviennent, on nous parle souvent de Kickback, en tout cas de l'album No Surrender. C'est vrai que c'est un gros gros morceau pour nous, enfin pour moi c'est un album qui est très très important, musicalement parlant. Mais c'est vrai que Dom il parlait de digestion, je pense que c'est vraiment ça le terme, c'est qu'en fait on s'est interdit de rien faire, on s'est autorisé un petit peu à juste expérimenter nos trucs. Et puis c'est vrai que l'album, bah, du coup, il arrivait après plusieurs EP qui nous ont permis d'asseoir un style qui est pour moi le meilleur compliment qu'on puisse faire à un groupe. C'est qu'en fait, quand tu fais un riff, on te dit, ah, putain, ça sonne, automatiquement, ça sonne si ça, ça quoi. Donc, ça, moi, on est plutôt content de ça. Après, voilà, on a des références comme c'est Dom, hardcore, moderne, mais aussi moins. Il y a du black, il y a beaucoup de post-black. On évite de plus en plus le name dropping parce qu'en fait on pourrait vous citer 150 groupes et ça rimerait à rien parce qu'à la fin en fait t'écoutes notre queue et tu te dis bah ça sonne comme nous on sonne quoi. Enfin on espère après évidemment tu vas trouver des influx de ce direct et tout. Et puis encore une fois quelqu'un qui va nous dire ah, putain vous sonnez comme ce groupe là qui est là depuis 20 ans, bah oui c'est un honneur, c'est merci, voilà, mais c'est pas le but. Et justement cette unicité dans votre création, ça se ressent même dans le premier abord qu'on a en regardant visuellement la pochette de l'album, parce qu'on s'attend pas forcément à trouver quelqu'un en côte de maille sur une pochette de hardcore. Et en plus le personnage il a vraiment un regard assez énigmatique, et je me demandais en fait comment vous aviez mis au point cette pochette, qu'est-ce que vous vouliez faire ressentir, et on parlera du titre après aussi qui est porteur de sens aussi. Ben oui, les deux sont en lien d'ailleurs. La photo et l'expression indéchiffrable de l'acteur nous permettait d'éclairer un petit peu la musique, et puis ce mot de dévotion, devotion. Mais voilà, nous on avait cette vision depuis le départ. On voulait encore une fois assumer l'imagerie médiévale, on va dire, du groupe, mais sans tomber dans tout ce qui se fait beaucoup, c'est aussi quelque chose qui est quand même pas mal à la mode. Donc on voulait vraiment encore une fois faire notre truc, donc avoir une photo assez moderne et avoir un traitement de l'image quand même assez moderne, assez impactant, où tout se dessine assez bien, et avec vraiment cette direction d'acteur. On est allé chercher Alan Delay, qui est le comédien de Petit Quinquin, la série Petit Quinquin sur Arte de Bruno Dumont. Parce qu'il avait une gueule, il avait un physique très spécifique, et puis il avait une puissance dans le regard, plein de choses, et du coup c'était un vrai modèle vivant. Et et quand on a vu cette photo, c'est Nicolas Di Vincenzo qui est un ami à nous qui joue aussi dans Pensislo, qui est un très bon photographe, et donc on est allé à Calais, et puis on a fait ce shoot photo, et puis il y a cette photo qui est très vite sortie du lot. Donc on s'est un petit peu laissé guider, mais on avait une espèce de vision, et finalement on est assez content parce que moi le rendu de la photo ça dépasse même ce qu'on attendait un petit peu dans la tête. Et c'est un peu pareil même pour tout l'album quoi. On est très content d'avoir réussi à fabriquer un petit peu tout cet univers visuel autour de cet objet là quoi. Et de fait, de manière générale et aussi peut-être dans les détails, de quoi parle globalement l'album Dévotion ? Déjà, avec le titre, on pourrait se demander Dévotion à quoi, à qui ? Mais je pense aussi, par exemple, au titre du tout dernier morceau, un morceau qui fait 7 minutes et qui a un titre en plus vraiment très marquant, Summoner's Skin. Globalement, de quoi parle cet album ? Alors en fait, il faut reprendre dans le contexte de ma vie personnelle, puisque moi, l'an dernier, j'étais encore dans un autre boulot. J'étais éduxpé en psychiatrie. J'ai bossé 10 ans dans ce milieu-là, avec donc des personnes schizophrènes, en souffrance psychique, et j'en passe. Donc forcément, c'est un truc qui te nourrit aussi dans les émotions humaines de ce que traversent les gamins dont tu t'occupes là-dedans. Et j'avais besoin d'en parler, mais d'une manière justement presque à la première personne, non pas de dire « je vois ci, je vois ça, c'est horrible », mais plus de dire « ces gens-là vivent ça ». Donc et souvent en fait dans le hardcore, c'est souvent le contraire qui se passe. C'est plus on est ensemble, on est super fort, ça va aller. Là justement moi je voulais avoir l'autre versant, le côté non en fait là ça va pas du tout, on a une fragilité, on l'assume. Et en fait oui, globalement l'album il parle de cette fragilité là, de la dépression que tu peux vivre parfois où tu sais pas forcément comment t'en sortir. Et donc j'avais un peu envie de mettre la lumière là dessus, de se dire mais non, en fait, les gars, c'est pas parce qu'on fait une musique violente avec des parties où on se met sur la gueule qu'on est des gros bonhommes, quoi. justement en fait pas des gros bonhommes non non mais justement le fait de se dire c'est cool aussi et je pense que c'est une force de faire une musique violente en parlant de choses qui vont pas du tout et on n'est pas des super héros en fait. Donc bah justement le morceau Someone Else Skin, c'est ça, c'est ce désir des fois de dire ça va tellement mal que j'aimerais bien justement en fait filer mon corps à quelqu'un d'autre et me dire c'est comment dans la tête de quelqu'un qui va bien quoi. Oui, puis tu parlais de on va en parler du titre Dévotion et du fait de pas savoir comment se sortir parfois de certains états psychiques et tout ça, et je pense que moi, enfin tout le monde a un petit peu sa lecture du truc. Moi, ce que j'aime bien me raconter sur cette pochette là c'est qu'en fait ce regard de ce chevalier en fait c'est comme si moi je me raconte qu'il vient de prendre conscience que Dieu n'existe pas et que du coup il va devoir se trouver d'autres ressources quoi pour voilà, on peut imaginer qu'il vient de survivre à une bataille et que du coup il a complètement perdu foi. Et j'aime bien me dire que voilà, il est mis face à son humanité, à sa fragilité. Alors même que bah voilà, c'est un guerrier, donc on peut y voir ça. Donc il y a plusieurs lectures. La dévotion, ça nous permettait d'englober un petit peu beaucoup de choses qui nous semblaient même intéressantes aujourd'hui, quoi. Vous avez enchaîné les sorties d'EP avant l'album Dévotion, comme vous l'avez évoqué un peu plus tôt. Pour vous, en plus de créer justement votre musique et d'arriver à trouver votre identité, est-ce que c'était important d'arriver aussi à créer une sorte de following autour du groupe avant la sortie du premier album ? Non, ça a été plutôt cool pour nous parce qu'on est arrivé en fait sur scène à l'après-Covid. Donc on a vraiment surfé sur la vague du renouveau de la scène. Et donc assez vite on a eu justement des propositions à droite à gauche en France et ailleurs pour pouvoir jouer. Donc on n'a pas trop galéré justement et on est assez, assez remerciant envers les bookers pour ça, parce qu'on n'a pas été parmi les groupes qui a trimé pour pouvoir se faire une place et un nom. C'est allé très vite pour nous. Je dis pas que ça a été facile, parce qu'il y a du taf évidemment de notre part, mais voilà. On n'a pas eu trop besoin d'aller chercher les gens en fait, ça s'est fait un peu de manière naturelle grâce malheureusement au Covid en fait, quoi, et à la sortie de tout ça, quoi. Mais après, effectivement, tu parles des EP, c'était pas un calcul forcément. Nous, comme je disais tout à l'heure, on avait envie de découvrir nous-mêmes ce qu'allait être notre son. Finalement, quand on a monté le groupe avec Dom, avec Dom, on avait un groupe de punk hardcore où il était à la batterie, moi à la guitare, et donc. C'est son premier projet au chant, et en fait on savait pas, moi j'aime bien le rappeler de temps en temps, c'est que avant qu'il enregistre, on savait pas quelle voix il aurait, on savait pas, il y avait plein de choses qu'on savait pas, et du coup c'est vrai que on a ressenti un peu le besoin d'expérimenter des choses. On savait qu'à un moment on allait vouloir passer au long format, parce que c'est un peu la marche normale. Mais du coup oui, on a avec ces deux EP qu'on a fait nous tout seul et puis ce split qu'on a fait avec Pensislo, c'était bien aussi pour nous découvrir et puis aussi voir un petit peu tester l'élasticité de la scène hardcore, ce qui est un truc qui est parfois très hermétique des fois, un peu fermé, un peu hermétique et tout, et du coup c'était intéressant pour nous d'essayer de voir qu'est-ce que ça générait, parce que c'est que ce soit l'album ou les EP d'avant ou les pochettes, l'univers visuel, on sait que ça peut être assez clivant, quoi, puisqu'on fait pas forcément dans les codes habituels du hardcore. Je veux dire, y a plein de gens, je pense, de la scène hardcore qui restent assez hermétiques à cette pochette là parce que je parle de l'album là, mais ils voient un truc arty, ça sort des codes en fait, et parfois c'est un peu un gros mot quoi dans le hardcore, tu vois, un truc un peu intello et je sais pas quoi. Est-ce que vous pouvez revenir sur les featuring également qu'on retrouve sur l'album? Featuring? Ouais. Donc on retrouve Jay de Guilt Trip, qui sont de Manchester et avec qui on a tourné déjà plusieurs fois, qui on va retourner là à partir de octobre-novembre, et donc qui sont devenus des très bons potes au fur et à mesure des années. Et on a aussi Adrien de Glassbone, donc groupe parisien de hardcore, que pareil, on connaît depuis très longtemps et qui s'est tenu à cœur de mettre sur un morceau. Et à la toute fin, on a un peu de sound design avec Diane, justement, de Pensislo, sur le dernier morceau, Someone Else Skin. Il y a aussi sur l'album un morceau instrumental. The Kindness. Et je me demandais comment cette idée vous était venue. Ne serait-ce que qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce titre-là pour le morceau instrumental A Kindness. Donc kindness, c'est la gentillesse. Qu'est-ce que... Alors, A Kindness, c'est une référence en fait au film The Green Knight. Mm-hmm. En fait, c'est juste un nom de chapitre dans The Green Knight où justement le héros croise un autre chevalier et en fait lui file un écu en disant voilà, c'est une gentillesse quoi. Et je trouve que c'est le faux ami parce que justement derrière dans le film il se fait avoir. Et là ça me rappelait ce truc là en fait dans l'instru qui commence tout doux et qui après avec l'explosion derrière. Oui, et puis pour nous le fait instrumentalement de, on avait déjà fait un truc instrumental dans notre EP d'avant. Trois sites, ouais. Et nous, pour nous, c'était important de vraiment de penser l'album comme un tout musical, c'est-à-dire pas un enchaînement de chansons, et donc vraiment comme un peu une œuvre globale avec des respirations. On sait que c'est un peu la force de notre musique, c'est d'avoir une dynamique, des dynamiques un peu changeantes entre des trucs plus aériens, plus mélodiques, mélodieux, tout ce qu'on veut, et puis des parties très très violentes. Et là, du coup, c'était aussi pour nous l'occasion de, pareil, encore plus d'asseoir la dimension cinématographique de la musique. C'est un truc, moi, j'aime bien réfléchir un peu comme ça. C'est un peu être un peu contre-intuitif, mais d'essayer de faire des riffs qui génèrent des images. Des images et tout. Ouais. Et c'est assez bizarre à expliquer, c'est assez théorique. Mais voilà, avec certaines harmonisations et tout ça, je trouve ça fait penser à, je sais pas, des génériques, des trucs, une ampleur, un truc un peu épique du cinéma qu'on aime bien. Donc pour nous, c'était l'occasion de creuser ça. Surtout que les longs formats dans le hardcore, c'est pas évident. Non. Moi, je sais que j'en écoute très peu parce qu'en fait, c'est un format qui se consomme court, les sets aussi. Là, c'est vrai que nous, on joue une demi-heure, mais en fait, les groupes de hardcore moyens, ils vont jouer 15-20 minutes parfois, surtout aux États-Unis. Et donc, on avait aussi peur de ça, de se dire qu'il faut surtout pas ennuyer. Faut pas que ce soit trop long, faut pas que ce soit redondant. Donc bah voilà, mettre un peu de relief et pas forcément faire que des morceaux où ça tartine. C'était important pour nous. Mais de fait, en extrapolant, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un court métrage accompagné de musique made in Sorcerer Moi je suis. C'est mon taf, tu vois, je suis réalisateur et tout, donc c'est pas un projet. C'est une question, c'est un truc, je sais pas en fait. Moi j'ai un rapport à ça qui est assez ambivalent parce que oui, évidemment, j'aimerais bien avoir les moyens de mettre en image des trucs. Après, je pense que c'est toujours un peu casse-gueule. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait, voilà, les moyens, il y a avoir la bonne idée, etc. Ouais. Il y a aussi la nécessité de faire un clip où il n'y a pas vraiment de nécessité aujourd'hui. Et du coup, oui, ça pourrait être intéressant, mais pour moi, ça ferait vraiment pencher le groupe vraiment dans une direction où nous, on a quand même envie de rester un groupe de hardcore. Après, je sais pas, je te dis ça dans 5 ans. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Donc, En vrai, nous, on a envie de rien s'interdire. Après, voilà. C'est un parti pris en fait qui marque ton groupe. Tu commences à faire des trucs ouvertement artiste, justement. C'est cool, mais ça te marque de quelque chose, quoi. Moi, j'aimerais bien, tu vois, honnêtement, faire un clip et tout. C'est juste que j'ai pas envie de faire un truc qui est pas à la hauteur de ce dont j'aurais envie. Et je sais à quel point c'est difficile de monter un projet comme ça. Ça nécessite beaucoup d'argent. Nous, on préfère mettre notre argent ailleurs. Et j'aime bien ce truc un petit peu. Ça peut être un peu poseur de dire ça, mais tu vois, le fait de pas avoir de clip, ça permet aussi aux gens de se faire leur propre image. Tu vois, c'est un peu comme quand t'adaptes un bouquin, tu trahis un peu la vision du lecteur. Forcément. Alors pour le meilleur et pour le pire. De toute façon, ta DA, elle va forcément t'enfermer quelque part parce que c'est un parti pris. Donc ton logo, ta pochette, ton merch, en fait, tout ça, déjà un petit peu ça donne la couleur de ton groupe et donc forcément derrière ils vont dire ah ouais, Sorcerer, le groupe comme ci comme ça. En fait, chaque fait geste est analysé et ça on en a bien conscience, donc on fait gaffe là-dessus quoi. Mais après nous, je pense que de plus en plus on a plus trop envie de se poser la question de, enfin c'est un peu contradictoire à ce que je viens de dire, tu vois, mais de groupe de hardcore ou pas. Nous, je pense qu'on a envie de continuer à faire de la musique. Je pense qu'on sera, je dis ça parce que on sera toujours des hardcore kids parce qu'on vient de là. Ce qui nous a donné envie de nous réunir, de faire ça. Donc je pense qu'il y aura toujours une dimension comme ça. On se mettra jamais à faire du post-hardcore comme tu vois, de cette scène très marquée là, ou je sais pas quoi, du doom ou un truc hyper expérimental. Mais en vrai, ça nous intéresse aussi de titiller un peu cette scène avec les limites qu'elle s'impose elle-même, quoi. Donc affaire à suivre, quoi, on verra. Justement, qu'est-ce qui est à suivre pour Sorcerer? Bah, une tournée du coup déjà en octobre novembre avec Guilt Trip et Four Enemies. Ouais. Juste avant ça, on a un show à Brighton qui vient d'être annoncé là, donc fin septembre. Et puis après, ça sera recompo et ouais. On espère tourner. Ouais, je pense que l'année prochaine, on va essayer de. Pareil, on est bien entouré, on a une bonne équipe de tourneurs, de tout ça, donc on arrivera, je pense, à retourner un peu l'année prochaine, et puis on va essayer. Ouais, on sait pas trop. La prochaine étape, on va pas vous mentir, c'est un autre album. On n'a pas envie de repasser par la case EP ou Split. Mais ça prendra le temps que ça prendra, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. En tout cas, merci pour votre temps, et on se revoit très bientôt sur la route. Avec plaisir, merci. Oui. Vous venez d'entendre Sorcerer, on les remercie pour l'interview ce soir, et on va s'écouter extrait de leur album Devotion, le morceau Eternal Grief, sur cet album par Sorcerer. Yes, vous venez d'entendre Sorcerer. On les remercie encore une fois pour l'interview ce soir. C'était extrait de cette interview réalisée en compagnie de la Ferra Rock et de Radio PFM pour le Moto Culture 2024. On devrait avoir pas mal d'interviews qui seront réalisées dans les prochaines, qui ont été réalisées sur le festival, qui seront diffusées dans les prochaines semaines. Donc restez bien derrière Overdrive Radio Dio tous les vendredi soir. Et on passe Children of the Night maintenant par le groupe Oda. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive Radio Dio. C'est pas encore terminé pour ce soir, on a encore un petit peu d'excellente musique à vous diffuser. Yes, Ouda tout de suite, Children of the Night pour ce groupe d'influence doom metal. On continue avec Oceans of Slumber tout de suite et son dernier album When Gods Fear to Speak pour ce groupe de metal progressif qui s'est fait un petit peu connaître grâce à la chanteuse Carmi Gilbert. Tout de suite, on s'envoie tout de suite Run from the Light, toujours sur Radio Dio, pour une belle et longue plage musicale. Thank you. Yes. Eye of the Storm maintenant dans Overdrive sur Radio Duo pour ce groupe Mr. Misery d'influence death metal mélodique. On va continuer avec les chantres de la scène black metal française. Il s'agit de Seth, la France des maudits. Tout de suite, dont on va diffuser le morceau Et que vive le diable dans Overdrive Radio Duo. Pour ce groupe, on va dire maintenant qui a une longue carrière, bien entendu, une longue pause après des années fin 90, début 2000, pendant laquelle ils avaient le vent en poupe. Ils sont revenus maintenant il y a une dizaine d'années et ils jouissent d'une très bonne popularité là encore. On va s'envoyer ça tout de suite dans Overdrive avec ce morceau, comme je le disais, et que vive le diable par cet album La France, sur cet album La France des maudits, par cet extrait de cet album paru sur Season of Mist, tout de suite dans, encore une fois, Overdrive Radio. Tout s'en sortirait, peut-être qu'il s'est changé, et finir la douleur. Overdrive, c'est terminé pour ce soir et on va se dire la semaine prochaine, même en même fréquence, sur le 895 de Radio Dio. On va se quitter au son de Malédiction, extrait de l'album Condamné, réédité par Steel Shark Records en 2024 et dans lequel on retrouve un excellent coffret qui retrace un petit peu toute la carrière de cet excellent groupe de heavy metal français du début des années 2000. Et bien entendu, on rendra un bel hommage au guitariste Mathieu Poulain, malheureusement maintenant tristement disparu depuis quelques années. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive radiodio pour retrouver tous les podcasts des émissions et la plateforme Mixcloud pour retrouver les podcasts en question. Voilà, il est temps de redonner l'antenne et de dire à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Yeah!